Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fanny. Pacific Rim Uprising, un film réalisé par Stephen S. Knight. Donc le film fait suite au Pacific Rim qui était sorti en 2013 de Guillermo del Toro, qui reste producteur en fait. Donc on retrouve au générique John Boyega. Ah, Boyega, on le connaît, hein, c'est le film de Star Wars. Il y a Scott Eastwood, c'est le fils de Clint. Rinko Kikuchi qui est dans le rôle de Mako. Bah, il y a encore deux autres acteurs comme on voit, les savants. Et faut dire que bon, il y a plus de Charlie Hunnam quoi en fait. Beckett n'en revient pas. Voilà, donc pour l'essentiel de la présentation, l'encal c'est l'histoire, c'est que bah, ça se passe 10 ans après, et puis on découvre que Jack de Stacker Pentecost a un fils qui s'appelle Jake, qui est un délinquant, hein, on va dire. Et suite à ça, il est recruté par sa sœur, sa demi-sœur, et Mako, pour s'intégrer le corps d'armée des Jaegers. On appelle les Rangers, c'est les Rangers en fait. Non, mais le scénario cherchait pas, hein, prenez Fast and Furious 3, c'est le scénario. Voilà, donc je pense que comme t'es très motivé, je vais te laisser la parole. Film, allez-y, hein, allez le voir, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, on va en parler un petit peu. On va attaquer, moi, je pense, une partie no spoil et une partie spoil. Ouais. Donc, je sais pas si on vous mettra un time code, mais en tout cas, on vous préviendra quand on va commencer à spoiler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Moi, je vais un petit peu avoir du mal à le défendre, mais je peux vous dire que si vous avez, par exemple, aimé Transformers 5, bon, déjà, vous avez pas de goût, mais dans ce que... Un jugement de valeur, là, c'est pas bon, ça. Voilà, et puis vous pouvez aller le voir, du coup, si vous avez aimé Transformers 5 ou le scénario de Fast and Furious 3. C'est-à-dire, le mec, il fait des conneries, alors du coup, il se retrouve enrôlé pour... pourquoi? Par facilité scénaristique, pour pouvoir recombattre des kaiju, des Jaeger, enfin, revenir dans le corps d'armée qu'il avait quitté parce que monsieur est un rebelle. Ouais, en fait, il y a un premier problème, c'est que moi, j'appelais ça le syndrome Burnham, c'est que ce fils qui tombe du ciel, pour moi, il tombe du ciel. Hein. Non, mais ça, c'est normal, hein. Ils ont appelé donc l'ancien acteur, et non, je veux pas reprendre le rôle. Bon, vous inquiétez pas, on va trouver un fils donc, caché. Ouais, Idris Elba, il a pas voulu revenir, en fait, et ils ont pas trouvé non plus de fils à Beckett, c'est ça que, bon... Ah, tu m'étonnes qu'il a pas voulu revenir. Donc, le pognon est toujours là, mais Idris Elba, il faut le rappeler, il jouait dans la tour sombre, hein, c'était lui le Roland. Ouais, écoute, moi, le premier problème que je vois, c'est le fils qui tombe du ciel, quoi. On ne sait pas, d'où il vient, il est jamais mentionné dans le premier film, déjà. Il me semblait que Stacker disait qu'il avait qu'un seul enfant, c'était Mako. Voilà, on nous annonce des trucs dans le premier, effectivement, textuellement, Mako est ma seule famille. Ok, bon, tu peux renier ton autre famille, ou voilà, ou c'est Monsieur Sarek, en fait. C'est-à-dire qu'il a des enfants un peu partout, mais qu'il veut pas en parler avant que ce soit utile pour l'histoire. Le syndrome Burnham, quoi, c'est ça. Exactement. N'empêche, ça résume super bien ta phrase, le syndrome Burnham. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui veut pas reprendre son rôle. Oh, t'inquiète, on va dire que le héros d'avant, il y avait un fils. Ouais, c'est un peu lèche, quoi. Même très, très lèche, quoi. Bon, ça, c'est le premier problème. C'est pas vraiment un spoiler, vu que de toute façon, on l'a vu dans. Ah bah non, il est dans la bande-annonce. Hein. Mais pour moi, en termes de continuité, déjà, c'est un vrai problème. Bon, je vais pas le mettre en avant aussi que. On a quand même un beau catalogue de clichetons dans ce film-là, au niveau des militaires, des relations entre les personnages. De scientifiques, ceux qui meurent en premier, on vous le dira après, mais voilà, c'est des clichés aussi. Ouais, puis adieu, la grosse surprise du film, c'est c'est la société japonaise qui fabrique les drones. On vous le dira plus en partie spoil, on nous annonce clairement. Bah, on peut le dire, parce que de toute façon, c'est spoil dans la bande-annonce pour moi. Ouais, voilà, mais on sait exactement, presque exactement qui est le protagoniste, qui est l'antagoniste dès les scènes d'ouverture. C'est clair que le méchant qui arrive, dès qu'il arrive, dès qu'il s'annonce, on sait que c'est lui qui va merder, quoi, en fait. On peut développer, mais je pense que si on développe un peu de trop, on va tomber dans le spoiler. Bah, pour l'instant, on va rester dans le no spoil. Je dirais qu'il y a une vue d'ensemble, c'est qu'on aligne un catalogue de clichetons, que ce soit Pentecost ou Lambert. J'ai cru qu'il y a toujours cette rivalité entre les personnages. Rivalité qu'il y avait déjà dans le premier. Ça manquait clairement de subtilité dans le premier, hein, entre les personnages. Faut pas nier que c'était un petit peu, mais là c'est super forcé, c'est super exacerbé. Et ça s'appelle pas Pacific Rim 2 pour rien, quoi. C'est parce qu'on recycle le truc. L'originalité du truc, bonjour, quoi. Entre les Transformers, les Power. Power Rangers le clin d'œil à Gundam, quoi, carrément. Ouais, enfin, je veux dire, on a l'impression de regarder un Transformers, comme tu dis, on a l'impression de regarder un Power Rangers, on a l'impression de regarder un Fast and Furious, on a l'impression de regarder un vulgaire Sentai, on a l'impression de... Mais on n'a pas l'impression de regarder un Pacific Rim 2. C'est ça. Je pense que nous, on a été impressionnés aussi, c'est par l'aspect nouveauté du premier. C'est visuellement, c'était autre chose. On voyait enfin un film avec des robots qui tapaient sur des cailloux. Puis dans le premier, le fait qu'il n'y ait pas de scénario, moi je trouvais ça assumé. Ouais. C'est-à-dire que ils nous balançaient tout en vrac, les mecs, Ouais. mais je sais pas, le spectacle était là. Hein, comme tu dis, c'est vrai que là, bah, on sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de surprise. Et puis les relations entre les personnes, on s'en fout complètement. Ah bah littéralement, même dans le premier, quand les mecs ils crèvent, on se dit oh non, le robot, on se dit pas non, les C'est mecs. Donc, vrai que le méca est plus important que l'être humain, quoi, finalement. littéralement, Ouais. ouais, dans le premier, quand les Russes ils se font exploser, j'ai pas dit merde, les Russes. J'ai dit oh merde, ils ont déjà perdu un méca. Sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. C'était le méca avec sa grosse tête, là. Ouais, je vais l'appeler Tchernobyl. Ah, c'est ça, je crois, c'est un truc comme ça, C'est non? Tcherno Alpha. Ouais. Et là, c'était pas loin d'ailleurs. Puis bon, il y a quelques belles scènes. Faut avouer que pour être un peu positif pour le film, c'est que visuellement, t'aurais eu que les scènes de combat, ça t'aurait satisfait. Il n'y a pas de scénario, bon, visuellement c'est beau, ils s'en prennent plein la gueule. Mais comme tu le dis, c'est Ouais. satisfaisant. Ouais, C'est satisfaisant. pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel. Mais au niveau spéciaux, visuel, c'est quand même du beau travail. Moi, y a trois grosses scènes d'action pour moi dans ce film-là. Et moi, j'ai préféré celle qui s'est déroulée dans la glace entre les deux robots. Celle qu'on voit un petit peu dans la Ouais, bande-annonce. c'est On ça. y reviendra dans la partie spoil, mais c'est vrai que c'était assez mieux orchestré que d'autres. On avait l'impression de voir quelque chose de un peu nouveau par rapport au premier, quoi. Bah, je pense qu'on peut passer à la partie spoiler, De toute façon, on là. va avoir du mal à avancer sans spoiler. Donc, Sans spoiler, voilà. dans une vue d'ensemble, pour moi, il y a beaucoup. Cliché, il y a beaucoup de recyclage d'autres histoires. Il y a un beau visuel, il y a des acteurs qui sont moyens, moi je trouve. Des fois ils sont vraiment un peu dans le surjeu, dans la pas cabotinage, mais ils se sentent pas très impliqués. Moi, Boyega, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire cet acteur. Mais, Bon, je sais pas, on nous le présente comme un rebelle et ouais. dans la demi-heure qui suit, voilà, c'est un héros Ouais, c'est un national. super ranger. Voilà, on le voit arriver de loin. Ouais. Voilà, c'est un super Power Rangers, les mecs, y a pas de problème. Un Rangers Black, nickel, quoi. Il va Ouais. sauver la situation, il va aider la petite. Voilà, puis bonjour les clichés, hein. Ouais. Ça, l'autre Transformer 5, c'est la même chose, hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle récupère des carcasses de Jaeger pour fabriquer son propre Jaeger. Moi, bon, il me semblait avoir vu quelqu'un qui ramassait des carcasses de Decepticons et d'Autobots pour réparer des Autobots. Donc j'ai l'impression d'un copier-coller. Bah, tu vois, c'est déjà rien qu'un exemple de la franchise, quoi. Bon, on va sauter le pas et on va partir, je veux dire, je t'appelle dans le grand défouloir, quoi. Allez, c'est parti. Ouais. On va d'abord commencer par ce qu'il y a à défendre dans le film. Les effets visuels sont bien, le scénario est... Voilà. J'ai pas trouvé le scénario. Hein. Le scénario, c'est un Sentai, en fait. Hein. On met en place le truc. C'était aussi long et poussif que Power Rangers au niveau du scénario. C'est vrai que pour 1h50, bah l'histoire, ouais, j'ai trouvé ça très long, moi. J'avais vraiment hâte que ça se termine. Puis c'était long, puis on n'a toujours pas d'empathie pour des personnages qui nous sont un peu mieux amenés. À part... J'arrive pas à retenir le nom du héros, moi. C'est le Pentecost. Ouais, Pentecost. Lui, on le voit arriver gros comme une maison, je veux dire. Voilà, le mec, il vole des machins, et il fait sa vie en chourant tout ce qu'il peut chourer. Et puis, il arrive un moment, il se fait prendre. Alors du coup, hop, il va en taule. Et puis du coup, bah, son supérieur, enfin Mako, quoi, sa sœur, elle le sauve la situation en attendant qu'il se réengage dans l'armée. Moi, j'ai déjà vu ça dans Kingsman. Ouais. Et bah, sauf que dans Kingsman, c'était bien fait. Et surtout, j'ai vu ça dans Fast and Furious 3. Hein. Bah moi j'ai pas vu Fast and Furious, mais tu le cites régulièrement apparemment, et ouais, ils se sont pas cassé la tête pour le scénario apparemment. Bah ouais, c'est un film. En plus, il te balance des scènes d'action sans transition, des trucs que tu vois arriver de loin. Et je crois qu'il y a même des plans qui sont doubles parce que quand il court à un moment, j'ai l'impression que c'est une scène qui a été recyclée deux fois. Ouais, il se pourrait bien, à mon Ouais. avis, ouais, il y a dû avoir du recyclage d'animé, Ouais, puis d'animation. bon. C'est vrai qu'on dirait un dessin animé, ce film. Ouais, mais déjà dès l'intro, je trouve que ça va pas parce que il y a l'histoire que bon, déjà il recycle 5 minutes du premier film, donc déjà ça fait un petit peu de temps de gagner avec les extraterrestres, tout ça. Ben, apparemment, ils ont pas nettoyé les restes de Jaeger, de Jaeger et de Kaiju, si je comprends bien. Non, bah voilà, les restes de Kaiju, bah ça, ils restent sur place parce qu'ils sont trop volumineux, mais pourtant, vu le nombre de morceaux de Kaiju qu'ils ont dans les labos, je pense qu'ils doivent en récupérer une bonne partie. Mais alors, ils font une case de Jaeger à ciel ouvert, Ah, carrément. ouais, littéralement, quoi. Bah, donc, là, il coupe un grillage et il va se servir. Bah, voilà, c'est ce qui arrive Y en a rien de premier, protégé, il alors découpe le grillage. que pour moi c'est quand même du matériel ultra top secret, quoi. Bah, et puis, ouais, voilà, quoi. Puis c'est quand même du matériel militaire, Ouais, c'est moi. ça. J'essaierai un de ces jours, je sais pas, d'aller au camp militaire chercher des pièces d'avion, on verra si je me fais gauler. Prendre un tank ou un char d'assaut quand tant qu'il y est, quoi. Bah ouais, non, mais on a l'impression que c'est une sécurité militaire à la russe, quoi. On se sert comme on veut, hein. Donc là, déjà, c'est vrai que ça pose problème. Après, ce côté, je suis cool parce que je suis un rebelle, puis je deviens sage. Ah, mais on nous le sert à toutes les sauces, ce machin. Puis en plus, ouais, moi, je suis désolé, l'acteur, il fait des beaux dégâts dans le film aussi. Ça, c'était le passage troll, mais bon. Non, ouais, mon polygone, moi j'ai un problème, c'est que il est quand même plus actif que dans Star Wars, parce que il fait vraiment pas lourd dans Star Wars, je trouve. Non, moi je trouve que Bodega, il a une super qualité, c'est qu'à chaque personnage qu'il incarne, s'il crève, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, ouais, là il meurt pas, alors qu'il allait mourir aussi dans Star Wars 8, là aussi il est encore une fois sauvé. Toujours par les femmes, hein. Et t'as vu, il s'en sert comme bouclier. Ah, c'est tout ouais, l'aspect héroïque du héros, du film, du personnage, quoi. Puis il y a un problème, moi, c'est que, les situations s'enchaînent, comme tu le disais. On voit tout arriver de loin, c'est ça le problème. Tout, sans exception, le à part. Le truc du drone qui va se. À part la trahison du docteur, moi, ça, je me suis laissé un petit peu surprendre. Mais une fois passé le truc, c'était pour une surprise qui m'a fait aimer le film pour autant, quoi. Ouais, enfin, il y avait l'espèce de connexion qu'il y a eu avec le Kaiju, à mon avis, il était très, déjà très hypnotisé. Bah, il était déjà pas sain dans le premier, parce qu'il y avait une passion pour les kaijus. Mais de là que ce soit lui l'antagoniste principal, je m'y attendais à pas trop. Bon, on va dire que c'est une petite surprise sur les immenses conneries que le film Roller Rosel. C'est une surprise qui sauvera pas le film. Non, parce que quand on voit arriver la japonaise de la show industrie, on sent tout de suite que ça va être la méchante. Ouais, c'est elle qui va faire les conneries, qui va provoquer un peu l'apocalypse, le désastre, et puis voilà, quoi. Ouais, c'était un cliché raciste aussi, hein. La japonaise méchante qui tire la gueule tout le temps, et qu'on se disait bac pro en génie du mal, s'il vous plaît. Ouais. Donc là, c'était pas le cas, parce qu'à la fin, voilà, c'est une héroïne. Après, on peut parler aussi de la mort de Mako, hein. Alors, ça, franchement, est-ce qu'il. Bon, c'était un bon personnage, Mako, pour moi, mais là, il le gaspille, mais à un point, franchement. Bah, moi, de toute façon, quand je l'ai vu arriver en hélico, j'ai dit toi, t'es morte. Ah ouais, moi je Mako, elle va se transformer en Maki. Ah ouais, il n'arrivera pas à la sauver parce que de toute façon, on entend une musique dramatique à ce moment-là. Et puis, il la touche du bout des doigts. Ouais, c'est-à-dire qu'à 2 mètres près, c'est lui qui l'a batté. Hein. Non, mais je sais pas, c'est un peu débile, quoi. Ah, c'est une petite scène parmi tout la foultitude de trucs. Je voulais revenir aussi sur, comme tu disais, la grande méchante. Bon, heureusement qu'elle a habillé de blanc, hein, parce qu'il manquait plus que les fringues noires, quoi, pour moi. Ouais, c'est un croisement entre le costume de Hux et un Stormtrooper, hein, c'est-à-dire que au lieu d'être noire, elle est blanche. Ouais. Mais en fait, elle est pas méchante, elle est juste businesswoman, quoi. Enfin, mais c'est vrai que ça fait clairement cliché, quoi. Ouais, mais le retournement, il est bizarre, quoi, quand même. Ah ouais, à la fin, elle les aide, hein. Ah ouais, elle pilote et tout, même. Bah, même quand il ramène le robot de la fille au début, lui, à la fin, c'est Boss Robot, lui, il va aider tout le monde. C'est vrai, j'ai pensé à Boss Robot, c'est vrai qu'il y a un peu la même allure, il y a un petit peu les mêmes couleurs, même. Boss Robot, si on peut rappeler un petit peu la référence, c'est dans Goldorak, hein. C'est Bellurak dans le... Ou dans Mazinger Z Infinity, hein. Voilà, c'est Boss Robot. Film aussi, le... Bah, moi, il y a des moments, ça m'a fait complètement penser à Mazinger Z. Hein. Bah, c'est surtout à cause du Mont Fuji, quoi. Bah, du Mont Fuji, et puis du Deus Ex Machina, du Kaiju, cette fois-ci, qui devient 2 fois plus grand, enfin 3 fois plus grand, et qui s'assemble en un méga Kaiju, quoi. Il y a ça dans Mazinger Z ? Bah, Mazinger Z, c'est juste donnez-moi votre énergie, il faut que je grandisse. Et là, c'est Mazinger qui devient grand, comme le 4 Mazinger. Et c'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'ils sont super, super puissants, les Jaggers. Et puis, des fois, t'as l'impression que c'est de la vieille ferraille qui voit rien, quoi. Ah, non, mais il y a un moment, t'as l'impression qu'ils ont été fabriqués par le docteur L, hein. C'est-à-dire, tu souffles dessus, il n'y en a plus. Hein. C'est un peu comme le combat de Mazinger contre les 50 robots, là. Ouais, comme je te dis. Puis, moi, il y a un gros problème aussi, c'est qu'ils fabriquent des super robots ultra évolués. Mais c'est réparé avec des clous et des pincettes, quoi. Bah, c'est ce qu'on en parlait. Ouais. Voilà, les robots, ils sont réparés à la main, c'est-à-dire avec des transpals à la main. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Et pendant ce temps-là, chez les méchants, enfin chez les gentils, on sait pas trop du coup. Ouais, pendant ce temps-là, chez l'antagoniste, ils sont tous fabriqués à la chaîne. Bah, mais attendez, les mecs. Ouais, il y a un gros problème, là, quand même. Ah, puis moi, c'est vrai que je ferais ça aussi, moi. Si jamais j'avais une armée de robots, je les mettrais tous au même endroit. Comme ça, s'il y a une attaque, ils sont tous pétés. Comme ils balancent une bombe, tout explose, quoi, c'est ça. Il y a une réaction en chaîne, quoi. Réaction en chaîne. Et comme tu dis, il y a un problème aussi, là, c'est que ils n'ont pas construit de robots pour justement les réparer en quatrième vitesse, quoi. Dans l'urgence. Là, les drones, ils arrivent, ils pètent tout. T'as tous les robots qui se cassent la gueule, mais à une vitesse incroyable, quoi. Ah ouais, il faut courir. T'as dû remarquer, les robots ils passent à côté d'eux, mais ils restent debout, les gens. Alors qu'il y a quand même une sacrée. Quand ça brasse de l'air un robot comme ça, normalement tout devrait voler autour. Non, pas chez Gundam. Non, non, mais t'as vu le point, quoi. Après, voilà, on va pas chercher de la cohérence, hein, ça reste un film de Jaeger et de Kaiju, mais bah, le deuxième volet est décevant au possible. Ah ouais, ça il faut absolument l'éviter. Bon, je pense pas qu'on a fait le tour, mais Ah, on n'a pas fait le tour. non. On va parler des clichés aussi racistes, quoi. Ouais, Hein? enfin, les clichés Hey. racistes, moi je dirais plutôt les clichés de l'armée, quoi. Ah ouais, non, mais hey, le seul qui meurt, c'est un Indien. Putain, ils sont cris dans The Big Bang Theory, quoi. Ouais. C'est l'Indien, il est là de côté et tout. Il sert Ouais. à mourir comme une merde. Là, c'est un peu le Billy des Power Rangers, sauf que cette fois-ci, il ressuscite pas, quoi. Bah, ça fait clairement Power Rangers, ça, quand tu vois tous les jeunes qui recrutent, là. L'autre qui se fait hacher le ventre par une queue de Kaiju. Et à la fin, il arrive à aller assommer le protagoniste, quoi. Ouais, il est censé être blessé, puis il sent. Il se fait remplacer C'est vrai par que une c'était nénette de 10-11 ans. Lambert qui est à moitié mort, qui fout une patate au savant qui est... Une patate au savant, alors son Kaiju il s'est écrasé à 20 km de là, mais non, c'est bon, 20 km à pied, tranquille. Puis je sais pas, ils sont tous KO à la fin, quasiment, les trois, là. Et tout d'un coup, il y a JPC Avenger, bah, ils trouvent une solution. Bah, c'est un peu que le Deus Ex Machina, comme tu dis. Bah littéralement, Ils ouais. balancent le robot à pleine vitesse sur le gros monstre. Voilà, ils envoient le robot dans l'espace, et après avec la force de gravité, il casse la gueule au kaiju géant. Mais une fin fastoche, hein. Mais comment ils affrontent? Il y a un truc qui va pas, c'est comment ils arrivent à percer la cuirasse. Ta gueule, c'est magique. Parce qu'ils en parlent bien de cette espèce de cuirasse là, avec les trois cœurs et les machins. Bah normalement même la cuirasse de mémoire, hein, si j'ai bien vu le film, hein, il Ouais. absorbe les chocs et il les rend. Bah là non. Bah non, là tu passes à travers et puis voilà. Non, mais c'est vrai, t'as raison, ta gueule c'est magique, c'est ça quoi en fait. Ah mais Ta gueule c'est littéralement. Pacific Rim. Ils essayent de créer un suspense qui est artificiel pour moi. On sait qu'ils vont pas mourir de toute façon. Ça marche pas. Et tout d'un coup, ah bah on sait pas, dans le scénariste, il sait pas quoi faire. Ah bah on va le balancer du haut de la stratosphère. Comme ça, il va arriver en pleine machin. Ouais, puis c'est Boss Robot qui... pardon, je l'appelle Boss Robot, je sais Ouais. plus, Scraper, un truc dans le genre, Scraper, ouais. qui lui soude une fusée sur le bras, sur la main. Ah ouais, ça aussi, On alors... essaye de vous faire rire parce que l'autre, il se fait traîner sur la gueule pendant 10 km. Ouais. Et nous, on a pas ri, on Bah était juste rigole pas, consternés. quoi. Ouais, on est consterné parce que c'est vrai que l'histoire de cette fusée, c'est complètement débile. Quand il arrive, ouais. Non, je Après... te dis, moi, il y a que la scène d'action Voilà, faut en revenir sur de cette la scène glace, d'action quoi, parce qui est vraiment bien que faite, quoi. elle était vraiment classe. Ouais. Quand ils se battent sur la banquise, bon, pour finir, t'as vu, ils vont pour rien là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont Bah, pour l'autre, trouver quelque il fait chose tout péter déjà, et il fait tout donc. péter. Ouais. Mais non, on a une scène d'action sur la banquise qui est présente dans la bande-annonce. Moi, je dois avouer que là, cette scène d'action-là est vraiment crédible et bien tournée. Donc c'est un Jaeger contre un Jaeger et on y voit que le Jaeger est piloté par un cerveau de Kaiju. Ça, on le découvre. Ça, c'est la première surprise, je veux dire. On l'a vu arriver, hein. Enfin, c'était une surprise qui n'en était pas une, parce que on se doutait soit qu'ils avaient la technologie à distance, parce que les autres ils créent une technologie à distance, ou soit je m'attendais, moi clairement, à un extraterrestre dedans, hein, littéralement. Ah non, c'est juste le cerveau. Non, mais il faut quand même être bête, quand même, pour greffer un cerveau de qui joue dans un robot surpuissant, sachant qu'il va se rebeller, qu'il va peut-être reprendre aussi son... Ça me rappelle un peu avec Robocop 2, quand ils mettent son cerveau dans le... Ah bah oui, hein. On a un cerveau psychopathe, qu'est-ce qu'on Ouais. en fait? Mettez-le dans une arme surpuissante. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Non, C'est un moi peu ça m'a même plus fait télé. penser au Dalek, hein, c'est-à-dire Ah ouais? que voilà, c'est une exo-armure autour d'un cerveau pour pouvoir juste la piloter, ça m'a fait penser à ça en fait. Mais si on suit la logique Pacific Rim, normalement le cerveau il aurait dû cramer parce que Ouais. un cerveau c'est pas assez pour un Jaeger. Ouais, ça c'est du chipotage. Ouais, en fait, il y a du forcing partout, quoi. Ah oui, non, on nous amène tout à coup de pelle, hein, dans ce film. Moi, j'essaie de trouver aussi quelques arguments pour. Bon, je pense qu'on a quand même assez descendu le film, mais quand on est sorti de la salle, c'est vrai que on s'est demandé ce qu'on avait vu, quoi, finalement. Il n'y a pas vraiment de choses qui sauvent le film. Il n'y a pas un truc qu'on pourrait vous dire, allez le voir, il y a ça qui est super génial. Même les scènes d'action sont passables sans être transcendantes, quoi. Puis il n'y a pas ce côté jouissif qu'il y avait dans le premier. Ouais, c'est ça. Dans le premier, quand il attrape un bateau pour aller péter la gueule au kaiju, c'était jouissif. Là, voilà, on balance des super Mazda Flash comme dans Bioman, quick, avec coup d'épée. Et puis on se bagarre à coup d'épée, quoi. Ouais, puis t'as Saber Athena qui fait du kung fu avec Bah ses ouais. sabres laser. Ouais, après t'as l'autre qui lance Whiplash, qui lance des C'est vrai, j'ai pensé à Whiplash aussi, ouais, Mickey Rourke. Après, c'est l'écolière dans Kill Bill qui balance une grosse boule en Ouais, métal avec des c'est ça pics. aussi. Ouais, en fait, t'avais des archétypes de robots, style Power Rangers, Mecha, tout ce que tu veux, quoi. Alors que dans le premier, bon, ils avaient à peu près leur force. Puis bon, il ressort à chaque fois sa lame. Puis tout d'un coup, on va sortir les deux lames. C'est un peu comme l'histoire de l'épée dans la stratosphère. À un moment, quand il va dans la stratosphère avec le Kaiju dans le premier, il sort l'espèce d'épée à la Transformer. Ouais, mais sauf que là, les doubles lames, ils les sortent parce qu'ils l'ont piqué sur les pièces Ah ouais, j'ai détachées. bien compris, mais Moi aussi, j'aimerais bien piquer des pièces détachées sur un truc qu'on sait pas qui peut prendre le contrôle de la machine ou pas. Mais apparemment, il y avait urgence. ouais, ils auraient pas pu l'améliorer, quoi, finalement. Bah, ils ont pas eu le temps, mais enfin, apparemment, 1 heure ou 2, c'est assez pour réparer 5-6 kaijus. Donc, ça va, C'est vrai que c'est... ça a speedé, là. Ah bah oui, ils arrivent à réparer des kaijus qui se sont pris des missiles dans la gueule en 1 ou 2 heures. Ils arrivent même apparemment à ramener des fusées, on sait pas comment, parce qu'ils les font décoller avec des fusées qui marchent au sang de kaiju, parce qu'apparemment, le sang de kaiju, ça fait aussi le café. C'est... Voilà, le sang de kaiju, s'il arrive dans le volcan, ça va terraformer la Terre. Ouais, c'est ouais, c'est ça en fait le truc. Ah, super, le twist, hein. Ouais. Et tu sens, tu crois que le sound cage, oui, pour activer la part des étoiles? À mon avis, oui, hein, Ouais. avec un peu de Naquadah, ça devrait Ouais. aller. Non, mais moi, je suis juste un peu déçu de ne pas avoir vu Zordon ou Rita Repulsa, mais sinon, Bah ça moi faisait vraiment... j'ai vu une séquence de rétro laser, mais bon, le Fulgurupoint, bah il laisse à désirer, je veux dire. Bon, après, ça reste un film qui se regarde pour pas se prendre la tête. Mais je m'attendais quand même beaucoup mieux de la part d'un Pacific Rim. Bah, je sais pas, moi, je trouve que ça colle pas avec la première licence. Bah, déjà, voilà, on nous raccroche des personnages à la masse. Après, apparemment, faire une scène de combat avec une gamine de 12 ans, c'est pas spécialement gênant dans l'armée. Tout le monde est psychocompatible entre eux, alors qu'avant, c'était une galère monstre pour trouver deux personnes psychocompatibles. Donc voilà, beaucoup de facilité. Et puis, il faut en faire mourir, hein. On va faire mourir la minorité ethnique, c'est encore mieux. Les personnages principaux sont tous US ou, on va dire, caucasiens. Les personnages secondaires, c'est tous des Japs. Donc voilà aussi. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Ouais, non, il y a énormément de tares dans le scénario, c'est clair. En fait, il y a Bah, la pas. plus grosse star du scénario, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Quand je dis scénario, je dis il peut être ridicule comme il peut être inutile, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez oubliable comme film. Hein. Encore le premier marque une étape, je veux dire, dans la science-fiction. On peut le mettre dans un. On peut le classer dans la science-fiction. C'est un deuxième qui est un peu inutile. Est-ce que le premier film se suffisait pas à lui-même finalement? Si le premier film se suffisait à lui-même, ça, y a pas de souci là-dessus. En plus, voilà, c'était pas un cliffhanger non plus, c'est-à-dire qu'ils ont explosé la faille. Ce qu'on pouvait craindre, c'est qu'ils reviennent en vaisseau spatial ou autrement, quoi. Ah ouais, Mais ça aurait été bien, ça. alors là, ouais, je veux dire, ils construisent des drones pour faire revenir des kaijus, pour terraformer la planète, alors que, bah, si j'ai bien compris, les drones, donc, ils ont du sang de kaiju en eux. Ils servaient à quoi, ces drones? Ah bah, juste à ouvrir des brèches, hein, c'était une Ouais, mais excuse pour enfermer les kaijus. s'ils avaient pas été contaminés, par exemple. Bah, ils auraient dû remplacer les Jaegers. C'est un peu la Iron Legion, en fait. Ah oui, c'est ça, t'as raison, ouais. Donc ils auraient été foutre le bordel au pays imaginaire, là, je sais plus comment il s'appelait, Ouais, puis en la plus... Sokovie, la Sokovie. Voilà, puis en Ouais. plus, apparemment, Tony Stark s'est fait voler son rétro-répulseur par le Jaeger de l'antagoniste. Ah, je sais pas si t'as vu la nouvelle armure d'Iron Man dans le trailer, là. Elle a l'air pas mal, hein, quand il se transforme en fusée, là. Et spoiler, elle va se faire défoncer, parce qu'on le voit avec sa moitié d'armure contre Thanos dans la bande-annonce. Ouais, et le Hulkbuster aussi va se faire défoncer, mais bon. Il y a Hulk dedans, normalement. Ouais, mais il y a un gros spoiler concernant Banner, hein, il faut pas le dire. Il va définitivement se transformer en Hulk, Ouais. d'après Captain Ah bon? Popcorn. Ouais, je pense qu'on est tellement intéressé par Pacific Rim Bah, qu'on dérive sur Avengers Infinity ouais, War. mais la bande-annonce d'Avengers, elle est plus intéressante que le film entier de Pacific Rim, C'est donc vrai que les forcément... 2 minutes qu'on a vues de Avengers Infinity War, on s'en remet difficilement, quoi. Mais voilà, quoi, pour revenir au sujet, ouais, moi je conseille pas du tout, hein, franchement. Moi, je vais même pas le noter, parce que je trouve que ça mérite même pas le fait de vous Ouais. conseiller et de vous déconseiller d'aller le voir. Moi, c'est un film de Super Sentai. J'ai l'impression d'avoir regardé un Mazinger Z en live action, hein, tout simplement. Et puis c'est marre, quoi. Ouais, moi je mettrais 1 sur 5. Bah, moi, je veux C'est même pas donner de note parce que vraiment le minimum, quoi, tu vois. j'ai pas envie de désacraliser une note. Donc, je vais même pas donner de note à ce film. Je mets Plutôt. pas un zéro, je mets pas de note. Ah bon. C'est-à-dire, enfin, je vais pas vous conseiller d'aller le voir, hein, je suis pas un enfoiré à ce point-là, mais mais franchement, moi je mets pas de note parce que pour moi ça mérite même pas une notation. Bon, de toute façon, il passera à la télé d'ici 2 ou 3 ans, comme le Pacifique, le premier film passe souvent assez souvent. Revoyez le premier vaut le coup d'œil. Hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des longueurs dans le premier, d'après ce que j'ai revu. Enfin, en même temps, il n'y a plus de surprise. Hein. Mais alors là, le deuxième, on a des clichés, on a des situations vues, revues. On a une fin à la Deus Ex Machina à fond, on a Il a des retournements qui sont plus de. Ouais. prévisibles. Le Deus Ex Machina, je trouve qu'il est en boucle dans la dernière demi-heure. Hein. Ah oui, bah à mon avis, Ouais. dans le 3, je sais pas, ils vont trouver Ah des oui. Autobots et Ah, puis... il faut parler de la dernière réplique de Boyega face au mec qui est contaminé, là. Parce qu'il dit exactement la même phrase que dans Indépendance des Résurgences. C'est-à-dire. On va aller sur votre planète. C'est pas la peine de vous déplacer, on va venir vous botter le cul, quoi. Ouais, c'est Starship Troopers, quoi, les mecs. Ouais, c'est ça, quoi. Et moi, je classerais à côté de Indépendance des Résurgences en disant qu'il y a des beaux visuels, il y a des scénarios, il y a des catalogues de clichés, des personnages stéréotypés à mort, et finalement, un film bien anardesque, quoi. Et encore une fois, on n'a pas d'empathie pour les personnages. Mmh. Et en plus, comme on nous balance les Jaeger comme ça, on n'a même pas le même empathie pour les robots qu'on avait dans le premier. Et franchement, s'ils disaient pas quel robot on était, t'aurais su toi identifier, parce que en fait, moment, je me suis perdu parce que je me suis dit, ah, la jeune, elle est dans le celui avec la boule ou avec les épées. Ah ben non, ça aussi on s'y perd, on sait même pas où ils sont déployés. Ouais, c'est ça. C'est cafouillis, c'est machin. Je ne sais même plus qui c'est qui s'est fait écraser en plus. Bah, c'est l'Indien. Non mais l'Indien il était dans lequel ce pauvre Indien là, il était dans lequel. Je serais même pas te dire s'il était celui avec la boule ou un autre. Pour ça pour te dire, il est celui avec le fouet parce qu'il se fait balancer à travers tous les immeubles. Donc avec Whiplash. Ouais, on va pas les appeler par leur. Oh, puis les produits dérivés, bonjour, aussi là-dedans. Eh, ça fait acheter nos jouets. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu. Jouet Gypsy Danger. Après, t'as quand ils rentrent dans la pièce, le savon, un peu bizarre. Il y a plein de statuettes de Keiju, t'as remarqué? Ouais, j'ai remarqué. Ouais. Et puis, quand tu rentres dans le laboratoire secret de la fille qui a 12 ans, ouais, c'est-à-dire, ça décharge. Ouais. On voit aussi des figurines de Jaeger aussi. D'accord, les Gypsy. Et le pire, c'est quand même quand elle arrive dans la base secrète, en fait, qu'elle commence à dire: ah, c'est Saber Athena. Ah, c'est Gypsy Man Jane. Ah, ouais, putain, ah, c'est machin. Comme ça, ouais, il faut insister sur les noms, quoi. Ouais, mais on nous le balance vite, hein. Ouais. C'est comme si on te présente quelqu'un d'entreprise et qu'on te dit: attention, voilà, Pierre Roger, Jacques Jean-Paul, merci, on dirait, au revoir. On dirait le gros geek qui s'émerveille devant les beaux jouets, quoi, tu ouais, vois. Puis on n'y croit pas en plus. Ouais. C'est juste pour donner les noms. C'est ça, c'est pour un peu. Moi, je suis un petit peu déçu, est-ce qu'ils ont pas marqué le prix en bas du jouet. Mais sinon, voilà, ça faisait présentation de jouet. Ah non, mais il n'y a aucune subtilité dans la vente de produits dérivés, hein. On le voit bien, ils sont bien cadrés, hein. Bah, pour conclure un petit peu, on peut conclure. Ouais, tu veux conclure, vas-y. Bon, moi je vais conclure que c'est un film Bandai que j'ai bien aimé quand même. Parrainé par Bandai. Parrainé par Hasbro. Non, mais perdez pas votre temps à aller voir ça, personnellement, voilà. Et pourtant, je suis méga fan de Kaiju, hein, et de Mecha. Le seul Mecha, de toute façon, robot qui était bien dedans, c'était la statue de Gundam, alors. Que tu vois deux secondes. Bah, c'est le seul moment jouissif du film. Donc, c'est un peu comme Green Lantern dans Justice League, quoi. Voilà, exactement. Il y a que ça qui vaut le coup d'œil. Bon, ça vaut pas un déplacement. Ça vaut pas les 12 € du prix de la place. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est un film oubliable, passable. J'ai envie de dire que mettre du pognon pour voir ça en 4DX ou je sais pas quoi, tu sais, les formats qui sont proposés au Kinépolis par exemple, où il y a la 3D, mais maintenant il y a la 4DX, je sais plus que. Ouais, le laser ultra, ouais, c'est ça, laser, 4DX, ouais. Avec les lunettes, non, ça va aller voir ça, franchement. Non, c'est pas nécessaire, courez pas pour aller le voir. Peut-être courez un petit peu plus pour aller voir le premier. Ouais, non, moi je conseille de le revoir le premier, et je conclurai en disant que pour moi ça a été un bon nanar. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée, et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À la prochaine.